Celui qui fera mieux que les autres, il va avoir ce prix-là. Deux, chez Chandjo Amisi, quel est le critère principal que nous considérons? Le lauréat devra être en mesure de travailler la musique burundaise, mais aussi de la développer, mais en respectant notre expression linguistique. Chandjo est le modèle, vraiment, de l'exploitation de la langue kirundi. Dans toutes ses chansons, la langue kirundi qui est en train d'être bafouée par les jeunes musiciens d'aujourd'hui, c'est pas leur faute, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a ceux qui disent que, par exemple, c'est leur façon d'être à la page. Parce qu'en mélangeant les langues, cette musique peut être écoutée en Tanzanie ou au Burundi par quelqu'un qui n'entend pas notre langue. Nous écoutons Manu Dibango dans le Bakosa. Nous écoutons Youssoundou dans le Mbalax. Ok? Et nous aimons leur musique sans comprendre leur langue. J'ai répondu à cette question dans un atelier en 2015. Ce n'est pas mélanger les langues, quoi, qui va leur donner un marché. C'est la qualité de la musique, c'est le travail qu'ils ont fait, parce que les musiques sont écoutées par des oreilles, des gens spécialisés. Et ils passent au tamis pour juger les œuvres musicales. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de festivals dans le monde entier. Nos musiques ne passent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des copies, des musiques étrangères, ça ne pourra jamais passer. Mais envoyez Tamba Mayaya de David ou Chorizinyang, ils vont vous dire, mais est-ce qu'on peut acheter les droits pour, vous voyez, travailler ça. Pourquoi vendre les droits hors du Burundi alors que nous avons des musiciens ici qui peuvent le faire s'ils acceptaient d'être formés? Quand il y a des concours, ce qu'il y a des prix. Vous n'avez pas peur que les jeunes musiciens burundais participent pour gagner des prix seulement, sans avoir son cœur d'apprendre la musique? Nous aurons beaucoup de participants. Ok. Maintenant, devant eux, je mets David Nikiza, Chandjo Amisi, pour le respect de la langue kirundi. Dans le jury, nous aurons des diplômés de la faculté de kirundi qui vont les censurer. Alors, nous mettons devant Africanova, qui exploite la musique burundaise et qui veut lui donner une voix vraiment. Ça sent que Africanova voulait lancer la musique à l'échelon international. Mais seul, il ne peut pas avancer. Il faut que d'autres artistes se rallient, comme ils ont fait chez Manu Dibango. Quand il a découvert le Makossa, il a voulu le moderniser. Tous les musiciens du Cameroun de l'époque, il y a Ekambi Brillant, Richard Bonnat, il y avait Akendenge, il y avait plusieurs autres. Ils se sont ralliés à Manu Dibango. Tous les musiciens du Cameroun ont fait le Makossa. Et ainsi, le Makossa est devenu une musique nationale qui a été aimée en Europe et dans le monde entier. Chez nous, ils n'aiment pas ça. Hein? Ils ne veulent pas qu'on apprenne qu'il a travaillé sous l'ombre de tel autre, alors que c'est ça la réussite. Alors, en faisant ces concours, les jeunes vont produire des chansons. Bien sûr, certains vont chercher à imiter, ce qui est déjà un succès, c'est l'apprentissage. D'autres vont créer en se basant sur David, sur Chandjo, sur Africanova. C'est un avantage. Toutes les radios du pays vont diffuser ces chansons, vous comprenez? Et ça va commencer à changer un tout petit peu, vous voyez, l'univers musical du Burundi. Hein, on va faire attention. Et il y a une musique burundaise, comme ça, comme ci, comme ça, réelle. Et on va prendre les meilleures œuvres, hein, nous allons les produire en studio, nous allons y ajouter des arrangements avec des grands musiciens pour que ça revienne au pays. Et vous allez voir, notre musique aura de la voix à l'échelon international. Alors, ils participent pour gagner des prix. Ça, c'est ce qu'ils ont fait dans tous les concours qui ont existé au Burundi. Vous comprenez? Mais, le premier concours, oui, où Chandjo a remporté le prix en 1977, avait une vision, parce que j'étais coordinateur du département de la culture au ministère de la culture. Notre objectif, c'était de pousser les jeunes musiciens qui commençaient à fourmiller, qui cherchaient à imiter l'orchestre national, leur montrer comment travailler. Alors, Nous voulions exploiter la musique traditionnelle, nous voulions exploiter les textes bien travaillés. Il y a aussi une autre chanson que nous avions primée qui était chantée en groupe par Baranka Fitié. Gaougou Kanje Kezan. Gaougou Kanje Kezana Kunze Kamakumutima Urigatoyu Fisubutore Benintuaro Intuari Urambimbara Najonoku Nous l'avons primé en chant en groupe. Chando a gagné en chant en solo. Et à cette époque, c'était la qualité de la musique. Vous comprenez? Chando a gagné le prix, d'accord, qui n'était pas énorme, 100 000 francs à l'époque, et les autres aussi. Mais il a surtout été un modèle que nous avons intégré au sein de l'Orchestre National pour que l'Orchestre National continue à travailler de cette manière-là. Alors, après ce concours de 77, voyez les groupes qui ont suivi. Tout ce qu'on a fait, tous ont essayé d'imiter, de suivre ce courant-là. Mais bien sûr, en 85, il y avait l'avènement de la télévision nationale. Pour la première fois, les Burundais pouvaient voir leur télévision. Et la télévision, comme programme de musique, elle amenait des vidéos étrangères. Les jeunes de Brisa Bouyenzi, Ngagara Kamenge, étaient là à observer ce que fait Johnny Hallyday, ce que fait Madonna à l'époque, et d'autres. Ils ont directement abandonné ce que nous avions fait, nous, les pionniers. Ils sont allés vers cette musique. Et jusqu'à présent, ça a continué. Ça a continué, je le dis dans mon livre. Alors, il faut quand même une révolution. Il faut revenir à l'endroit où nous étions et pouvoir continuer. Je suis là, l'Institut de musicologie est là et nous pouvons encadrer les artistes autant que possible. Alors, ils ne vont pas chercher seulement à gagner des prix, mais ils vont chercher eux aussi à devenir des vedettes qui font la vraie musique burundaise, à chercher à devenir Nicky Dave, à devenir un Chanjo 2. Ou un Africanova 2. Oui. En faisant ce concours, c'est vrai, vous continuez ce que vous vous êtes engagé de faire révolutionner la musique burundaise. Est-ce que vous croyez que c'est assez? Pourquoi ne pas faire ces formations, comme vous le dites, préparer des petites formations ici et là, à Bujumbura, à Ngozi, pour que ceux qui se disent producteurs, arrangeurs, pour que ces jeunes musiciens qui n'ont pas peut-être le temps de faire une année ou deux ans à la musicologie puissent avoir une petite idée de ce que peut être la musique dont nous rêvons ici au Burundi. Très bien, je me rallie à votre opinion, mais vous dire que un cours comme celui d'orchestration ou un cours d'arrangement musical, c'est un long cours. Il me faudrait des sessions. Même si je résumais, je ne peux pas donner ce qu'il faut dans un atelier d'une semaine. Il faut une semaine ce mois-ci, une autre semaine le mois suivant, une autre semaine le mois qui suivra. Sur 6 mois, j'ai dit, je l'avais déclaré sur une autre radio, minimum 6 mois en travaillant de cette manière, on les retient une semaine et puis ils vont appliquer. L'autre mois, une autre semaine, j'aborde un autre chapitre, je leur montre ce qu'il faut faire, ils vont appliquer, ainsi de suite. 6 mois vraiment serait une bonne base pour qu'ils changent de vision, pour qu'ils commencent à appliquer. La méthodologie de la recherche et du développement de la musique burundaise. Il faut des fonds. Le ministère de la Culture, je ne sais pas à quel niveau il peut appuyer un tel travail, mais je suis disposé avec l'Institut de musicologie. 2. Le ministère de l'Éducation, lui, c'est pour la question des enseignants, la formation, ainsi de suite. Mais n'oublions pas que même nous qui avons créé les premiers orchestres, Orchestre National, Orchestre Amavano, nous sommes sortis des écoles qui nous avaient donné une bonne formation en musique. Alors je crois que le ministère de l'Éducation ne ferait pas mal aussi de grignoter sur son budget et de dire « je donne ça pour former des musiciens ». Oui. Nous approchons la fin de notre émission. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir ? Sur sur deux volets. D'abord, dans le domaine de l'enseignement. D'ici 10 ans, je voudrais que le pays ait des diplômés de niveau licence dans la science musicale. Ça, je voudrais. Alors, ils iront élaborer les programmes, ils deviendront inspecteurs de musique dans les DPE, vous comprenez ? Et le cours de musique va progresser. Ça, c'est une première vision. Il faut qu'on les forme. Même si je n'ai pas de soutien, je vais continuer. S'il y a 3 ou 4 qui viennent, on va les former. 2. Du côté des musiciens, je voudrais créer une nouvelle génération qui est plongée dans la vision que nous avions, nous, les premiers orchestres, avec Chanjo, avec David Nikiza, avec Kirundo Gérard, Africa Nova, qu'on se replonge là. Vous voyez, qu'on bâtisse sur cette fondation-là. Récemment, je parlais aux musiciens, je leur disais, si j'ai une fondation, par exemple, de cette salle, okay, je peux détruire ces murs, je peux y bâtir quelque chose de moderne, de plus cher. Je peux y mettre un bâtiment qui aura un pavement sophistiqué, qui aura des vitres sophistiquées, ainsi de suite. Dans les années qui suivront, on détruirait ça et on bâtirait encore dessus. Mais le point capital, c'est d'avoir la fondation. La fondation est là, nous l'avons faite. Tout le secret du travail d'Amabano, de l'Orchestre National, j'étais là-dedans, j'étais avec eux. Je peux orienter nos musiciens, je peux leur donner le lait, ok, le lait de la promotion de la musique burundaise. Et de temps en temps, on entend des chants, on entend quelques styles de musique qui sont un peu différents d'une province à l'autre. Pour vous, il y aurait combien de styles de musique ici chez nous? Au point de vue de la musique traditionnelle, là, chaque pays a sa musique traditionnelle. Bon, pour nous, il y a certains genres musicaux qui ont une ressemblance avec les musiques du Rwanda, de l'Ouganda et du Buha. Je vais bientôt publier un autre livre, il est en train d'être achevé. Il parle de toutes ces musiques, de leurs relations dans la région des Grands Lacs. Nous avons aussi certaines musiques qui ont des ressemblances des musiques Babembe, Barega du Congo, Bashi, Bafulero, Bavira. Ça va paraître aussi dans ce livre-là. Alors, les musiques traditionnelles existent, mais aujourd'hui, il y a un grand projet mondial que Manu Dibango est en train de travailler, de développer aussi, qui s'appelle les musiques du monde. Vous avez souvent entendu peut-être parler de ça sur RFI. Les musiques du monde. On récolte dans tous les pays les genres musicaux et on les développe. Ils doivent être développés par les musiciens de ce même pays. On les développe en styles musicaux qui peuvent être introduits dans les musiques du monde, c'est-à-dire représenter la musique mondiale, parce que nous parlons de mondialisation, globalisation aujourd'hui. Alors, si on ne peut pas trouver un accent jazz dans la musique burundaise, il n'a pas de place. Vous comprenez? J'ai un ami, on était à l'Orchestre National ensemble, Boudi, vous le connaissez? Alors, il fait des recherches. Il a même travaillé sur certaines des chansons que nous avions chantées. Il a sorti un très bel album, très intéressant. Pour réussir cet album, il a dû envoyer le brouillon à des amis qu'il a rencontrés en Amérique, au Canada, qui ont ajouté, celui-ci ajoute la trompette, là-bas on ajoute le piano. Vous comprenez? Et ça a un caractère international. Vous voyez, c'est un travail scientifique, très technique, qu'on ne peut pas réussir si on ne s'assoit pas et qu'on prenne le temps d'apprendre. Alors, je ne dis pas que le Burundi n'a sa propre musique. Il a sa propre musique. Il y a plusieurs variétés. On ne saurait les compter parce que même récemment, j'ai découvert un autre genre de musique dans le Bweru que je n'avais jamais entendu. Oui, dans le Bweru, côté Butezi. J'ai enregistré ça. Je vais voir comment commenter et développer ça et produire une chanson à partir de ça, une chanson modernisée. Il y a un autre style là qui est Amishira. Je voudrais aller le prendre aussi. Il y a des styles d'imzino propre au Buragane avec les Banyagasimbo qui changent de style, mais on ne peut pas le découvrir parce que quand on regarde les Banyagasimbo danser, on ne s'intéresse qu'à la danse. Nous, on s'intéresse à la musique qu'ils chantent aussi. Ya, ya, ya. C'est plein de rythmes là-bas. Alors, nous avons les Inanga qui sont de plusieurs variétés. Nous avons les Ikembe de plusieurs variétés aussi. Hein? Parce que Inanga Yamachonjo, par exemple, ce n'est pas joué de la même manière que Inanga Mbanza Bugabo ou l'autre Inanga que nous aimions à l'époque. Hein? Les Ikembe, nous avons des variétés de Limbo, des variétés du Kumoso, des variétés intermédiaires des régions montagneuses. Nous avons du côté des Invino des variétés selon les régions, selon les usages, les fêtes où ces chansons sont utilisées, etc., etc. Je suis en train de finaliser ce deuxième livre. Je crois que les Burundais l'aimeront, même s'ils n'achètent pas tellement. Mais pour vous dire que jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire « Yaikembe, Inanga, Umuduri, ça et ça ». Non, ça c'est très peu. La musique burundaise est très riche. Plusieurs dizaines de styles. Est-ce que pour clôturer, tu peux nous chanter un tout petit extrait, la chanson « Rugaso Zikakule » ? J'ai un peu de grippe. Je n'ai pas de piano. Nzoja, nzoja, kugasozi kakure. Sabi mani sumbavyo sindemeshe. Merenghavandi ngirindu nunirungu. Nchuti nikindi irahumuriza. Nchuti nikindi. Merci. Merci Monseigneur Justin Valens Sananikié pour l'interview que vous venez de nous donner. Merci à vous d'avoir pris la peine de venir jusqu'à Gitega. Et j'aimerais entretenir de bonnes relations avec Radio Ndelagakura dans ces prix, ces concours que nous lançons. Je crois que vous serez intéressé d'en parler souvent, de diffuser les chansons qui seront proposées pour la compétition.